Je commencerai par une longue citation. Je vous promets de ne pas lire les autres. Vous les verrez simplement en projection. Donc, c'est une lettre du 8 janvier 1680. Quant à mes habillements, je vais les changer et les prendre pareils à ceux de Madame de Richelieu. J'ai une indifférence là-dessus qui m'ôte tout scrupule. J'ai été vêtue d'or quand j'ai passé mes journées en plaisir avec le roi et sa maîtresse. Je vais être une princesse, je serai toujours en robe noire. Si j'étais hors de la cour, je serais en tourière et tous ces changements ne me font nulle peine. Du reste, j'y fais trop de dépenses parce que je suis naturellement propre et peu portée à l'avarice. Donc, je rappelle des tableaux dont on en a déjà parlé, simplement pour comparer l'or et le noir. Donc, ces remarques adressées par la marquise à l'abbé Gobelin en 1580 sont révélatrices. Elles rappellent que Madame de Maintenon ne fut pas seulement la dame en noir d'une certaine légende, mais aussi une femme magnifiquement vêtue de damas bleus ou de couleur de rose relevée d'or ou d'argent. Elle laisse également entendre que les changements de son apparence vestimentaire auraient moins été l'expression d'une attention aux variations de la mode que la marque d'états différents, comme si le noir ou l'or avait servi à indiquer la réalité d'une fonction à la cour, en d'autres termes, à désigner son vêtement comme un costume, au sens que Barthes donne à ce terme, celui de la seconde tour de la dauphine ou celui de la gouvernante des enfants de Madame de Montespan. Enfin, elles font l'aveu d'une indifférence de la personne à la manière de s'habiller, doublée d'un penchant naturel à la propreté, dans le sens de l'époque, qui lui aurait permis d'assumer sans peine ces changements imposés par sa situation. Seul l'habit de tourière aurait résulté d'un choix. Est-ce à dire qu'à la cour, Madame de Maintenon aurait joué un personnage, identifiable à une apparence construite tout d'abord par le vêtement, et qu'en dehors de la cour et de ses contraintes, son habillement aurait révélé la personne privée, avait des goûts simples et austères? Peut-être. L'habit de tourière évoqué dans la lettre à son confesseur n'aurait-il pas en fait participé lui aussi à la construction d'une image de l'être dont les contours se dessinent peu à peu au fil de ses écrits? Et cette fausse révélation de la personne privée, cette nouvelle façade de l'être, traduirait peut-être au fond un même appétit de reconnaissance sociale que la conformité aux usages. Dans un entretien avec Madame de Glapion en 1707, Madame de Maintenon reconnaît avoir, je cite, « éprouvé de la pauvreté et passé par des états bien différents de celui où elle se trouve alors. Elle a dans sa jeunesse chaussé des sabots et gardé des dindons, et l'on sait que dans l'hiver 1551, elle portait encore des robes trop courtes, on l'a vu ce matin. Devenue Madame Scarron, elle allait se révéler une jeune femme coquette, dans la mesure toutefois les ressources du mari le permettaient. L'inventaire après décès de Scarron fait état de 3 jupes, l'une de taffetas couleur de chair, l'autre de tabis à fleurs blancs et jaunes, garnies de 7 passements, et la troisième de petits taffetas rayés rouge et blanc, de 2 justes cordes de velours noir et un autre de satin à fleurs garni de fourrure, ainsi que de 2 déshabillés d'étamine grise ou de férandine musc, sans oublier 7 tabliers. Le détail de son linge est notamment 12 chemises de toile blanche et 4 camisoles. Et si on regarde les tableaux de statistiques de Daniel Roche, on s'aperçoit que 12 chemises, c'est en fait ce que possède l'aristocratie. Donc le détail de son linge indique déjà ce goût marqué de la future marquise pour le net blanc et la propreté, au sens qu'on donne actuellement à ce terme, et on appelait cela netteté alors à l'époque, qu'elle gardera toute sa vie. Courtin en souligne l'importance dans son traité de la civilité, car le linge blanc et la propreté sont à l'époque des signes sociaux de référence, des marques de distinction. Autant que le luxe, la propreté distingue. Courtin en conclut, si, alors je ne sais pas si j'ai la citation, non. Si les habits sont nets, et surtout si on a du linge blanc, il n'importe pas que l'on soit richement vêtu. Cette coquetterie de la propreté est en même temps une norme de comportement, un indice de force d'âme et de rectitude morale, car la blancheur du corps est à l'image de celle de l'âme. Quant aux dentelles, alors très à la mode, qui ornent les dites chemises, ainsi que les mouchoirs de col et les collets également répertoriés dans l'inventaire, elles révèlent chez la jeune femme un vif intérêt pour les accessoires visibles, en quelque sorte, de la propreté invisible. Dans un milieu social où les allures confinent au spectacle, la qualité du linge est partie prenante de l'élégance mondaine. Et bien sûr, puisque j'avais d'abord intitulé ma communication l'éventail, n'oublions pas l'éventail, cet autre signe de raffinement de l'habit, alors très en vogue, et dont l'utilisation sous-entend une certaine inactivité manuelle. Madame Scarron, qui tient salon, en possède. Qui plus est, elle semble avoir possédé aussi l'intelligence des galanteries auxquelles peut prêter son usage. Dès les années 1650, le marquis de Villarceau aurait brisé un éventail auquel elle tenait, peut-être à dessein de lui en offrir un ou même plusieurs autres. La marquise relatera la scène en 1708 à l'intention des demoiselles de Saint-Cyr, afin surtout de souligner la réputation d'honnêteté et de sagesse que son procédé, paraît-il, lui valut dans le monde. Alors je vous laisse lire la première citation. Une coquette n'aurait peut-être pas agi différemment, en fait. Sans ressources après la mort de Scarron, Françoise doit se rabattre sur des vêtements d'étamine d'une lude, petite étoffe fort mince, fort à la mode, paraît-il, dans ce temps, pour les personnes d'une médiocre fortune, et ne porte plus que du linge uni, quoiqu'elle continue d'être, selon Madame de Quélus, bien chaussée et d'avoir de beaux jupons. Les contemporains relèvent dès à présent cette simplicité d'habit qui, quoique dictée par les circonstances, aurait, à en croire la marquise, correspondu à un penchant personnel. Mais cette mise sans prétention n'en est pas moins dans un certain air du temps, car c'est l'époque où la cour dévote d'Anne d'Autriche prône la simplicité des habits et la réforme du luxe. Simplicité, modestie et piété vont de pair. S'habiller simplement et modestement, c'est afficher un certain personnage, celui de la veuve sage, pauvre, mais sérieuse et pieuse. La simplicité de son vêtement n'exclut pourtant pas l'élégance. L'abbé Gobelin, son confesseur, depuis 1668, lui en fait reproche car il voit du luxe dans cette élégance. Madame Scarron a beau lui dire qu'elle n'a sur elle que des étoffes communes, l'abbé rétorque. Cela est vrai, mais je ne sais ce qu'il y a, ma très honorée dame. Je vois tomber avec vous, quand vous vous mettez à genoux, une quantité d'étoffes à mes pieds qui a si bonne grâce que je trouve à cela quelque chose de trop bien. À la frontière du visible et de l'invisible, ces jupons qui s'accumulent témoignent peut-être d'un plaisir du contact intime du corps avec le vêtement, une recherche sans doute inconsciente de cet effet de vaporeux, synonyme de féminité signalé par Roland Barthes. La multiplication est aussi utilitaire et témoigne de la nécessité de se protéger du froid, étant donné que ces étoffes sont minces et que Françoise a toujours été frileuse, même si cette profusion de dessous féminins ajoute par ailleurs à l'élégance et à la grâce de sa silhouette. Aux yeux de l'abbé, la quantité des étoffes importe en définitive autant que leur qualité, parce qu'elles sous-entendent d'attention au corps comme à l'apparence, et parce qu'elles se révèlent d'un goût orienté, malgré qu'elle en ait, par le luxe. Devenue gouvernante des enfants du roi et de Madame de Montespan, la future marquise va arborer de nouvelles tenues plus en rapport avec sa situation. Alors qu'elle vit encore cachée dans la grande maison de Vaugirard, où sont élevés les petits princes, Madame de Sévigné l'a dit, je cite, « habillée modestement, mais magnifiquement, comme une personne qui passe sa vie avec des personnes de qualité. L'étamine du lude est loin, remplacée par des étoffes coûteuses. La gouvernante sera bientôt vêtue d'or. » En effet, quelques semaines plus tard, elle s'installe à la cour, avec les enfants à sa charge. On entrevoit alors des soies, des satins, des damas, tel ce beau dama bleu, ni pas ni turquin, mais fort et beau, qu'elle fait acheter en 1679 chez Gauthier et Gaillot, des galons d'or et bien sûr des dentelles. Des couleurs vives aussi, et surtout ce bleu qu'on a vu sur les tableaux, ou encore des moires d'argent, etc. Certes, Madame de Maintenon va devoir, comme seconde dame d'atour de la Dauphine, s'habiller de noir pendant quelques années, avant de retrouver en 1690, à la mort de cette dernière, tout l'éclat et le luxe que son statut même déclaré d'épouse du roi rend nécessaire. C'est qu'il lui faut plus que jamais, comme elle le dit elle-même, parer le personnage. Il me semble que ses vêtements ont alors été le lieu d'une négociation constante entre goût personnel, obligation morale et devoir de son état, où se lie le désir de concilier le refus de l'ostentation du soi et la nécessité de paraître. en apportant modération et retenue dans les tenues les plus magnifiques et en étant toujours au-dessous, en un sens, de ce que son état et son revenu pouvaient lui permettre. Les étoffes somptueuses, je reviendrai peut-être sur ceci si j'ai le temps, les étoffes somptueuses et colorées ne disparaissent pas de son habillement. En 1705, c'est une étoffe bien extravagante et bien jeune qu'elle réclame à sa nièce. En 1706, elle lui apprend, c'est la première citation, que la bataille gagnée en Italie me détermine à mettre ma robe. Je m'habillerai de vert si l'on prend Barcelone et de couleur de rose si l'archiduc tombe entre nos mains. Et n'oublions pas, alors à nouveau, les éventails que l'on voit sur les gravures de mode, qui ne ressemblent pas du tout à Madame de maintenant. Et de tous ces éventails qu'elle a pu utiliser, on a trouvé deux traces. L'un qui a été récemment vendu aux enchères, que les élèves de Saint-Cyr lui ont offert pour sa fête en 1699 et dont elles ont elles-mêmes peint la feuille. L'autre, malheureusement disparu, que la marquise envoie au printemps 1697 à Madame de Lalande, où elle dit « Je vous envoie donc, je vous envoie dans ma chambre, je sais que vous y êtes amusée. » Et selon la Baumelle, on y voyait au naturel l'appartement de Madame de Maintenon, avec le roi travaillant à son bureau, Madame de Maintenon en train de filer avec la duchesse de Bourgogne et aussi Mademoiselle d'Aubigné. Alors là, j'ai aussi, alors si j'arrive à les retrouver, je reviens en arrière, des feuilles d'éventail qui représentent la marquise, dont on ne sait à qui elles ont appartenu. Alors vous avez une promenade sur le Grand Canal en 1676, où la marquise se trouve sur un des bateaux, alors celui au milieu à droite, où elle est en bleu et jaune, et celui qui daterait d'environ 1686, qui la représente au fond, rendant visite avec le roi à Saint-Cyr. Mais je le répète, on ne sait pas du tout à qui ces éventails ont appartenu. Certes, avec les années qui passent, le choix de la marquise va davantage se porter sur les couleurs sombres, et c'est du noir et or ou du violet et or qu'elle demande à sa nièce en 1705, à moins qu'il ne s'agisse d'un habit brun et léger qu'elle lui réclame la même année, ou de ce damas de feuilles mortes dans lequel l'aurait vu la comtesse d'Exeter, et c'est la seconde citation. On aurait toutefois tort de ne voir qu'un souci de discrétion et d'austérité grandissante dans ce goût du sombre. En effet, les tons sourds et profonds, rouges, violets et bruns, relevés de riches et lourdes broderies métallisées pour les jupes de dessus et les manteaux, étaient très à la mode depuis que la mode du noir venue de Flandre s'était répandue en Europe un siècle plus tôt. Et dans ses comptes rendus de mode, le Mercure Galant aussi recommande la couleur de musc pour les manteaux d'hiver de femmes. L'âge la conduit malgré tout à ôter tout superflu, allant même jusqu'à, selon Mademoiselle d'Aumale, retrancher tout ce qu'elle put de son ajustement, ôtant l'or de tous ses habits, sous prétexte que cela était trop court pour les porter, et je sais qu'elle ne pouvait souffrir une jupe noire sans galons d'or. Et Languet de Gergy dit à peu près la même chose. Quant à Saint-Simon, lui, il la confine dans un noir enveloppant. Depuis qu'elle ne parie plus en public, on ne voyait que coiffe et écharpe noire. Alors j'aimerais bien que ce portrait soit celui de Madame Maintenon, puisqu'on la voit effectivement enveloppée dans des coiffes noires. Mais toute vieille qu'elle est, Madame de Maintenon n'a nullement perdu son goût du beau linge. Tout en reprochant à sa nièce le caractère dispendieux de son dernier état, elle lui avoue en 1705 « J'ai peine à croire qu'il y ait une étoffe plus extravagante que celle que vous m'avez envoyée, mais tout est supportable en jupon. » Et elle réclame en 1710 à la marquise de Villette, je cite, « des pièces de plusieurs sortes d'étoffes blanches. J'en suis insatiable et pour le jour et pour la nuit. » Ce n'est qu'une fois retirée à Saint-Cyr après la mort de Louis XIV que Madame de Maintenon fait le choix définitif du noir, devenue cette fois-ci la marque de la plus grande austérité. Alors, je vous laisse lire ce que Languet de Gergy a à dire de ce grand retranchement, et la citation « La personne ne doit penser qu'à une bière » est de Madame de Maintenon elle-même. Certes, le train de la marquise est réduit depuis la disparition du roi, mais cette volonté de dépouillement général, ce refus ultime de parer le personnage sont bien dans la lignée de ce qu'on attend du chrétien au moment de la mort. Elles sont le signe convenu de la renonciation au monde qui doit préluder au trépas. Alors je voudrais dans une deuxième partie voir un petit peu quels sont les principes qui ont pu présider à ce choix de l'habillement, des couleurs, des tissus, etc. Alors il me semble que pendant toute sa vie, Madame de Maintenon a joué un personnage dont le vêtement a été le signe identitaire. Autant et peut-être plus encore qu'à des goûts personnels, son choix aurait répondu à des critères précis de morale chrétienne et de convenance sociale dont elle s'est expliquée dans ses écrits. L'indifférence professée devant l'abbé Gobelin en 1680 tient bien évidemment de ce mépris des vanités du monde dont son confesseur ne peut que se réjouir. Mais elle témoigne aussi d'un souci de se conformer aux exigences vestimentaires de son état, quels qu'aient pu être ses goûts personnels. Sa pauvreté pendant sa jeunesse, l'éducation reçue chez sa tante protestante, comme plus tard sa dévotion, n'ont pu qu'encourager en elle le refus de ce qu'on appelait alors la superfluité des habits. Dans son discours sur le luxe, Du Tremblay qualifie, je cite, « de vanité tout ce qui n'est ni nécessaire ni utile ou à la personne ou à la condition, le nécessaire étant tout ce dont l'homme a besoin pour se défendre de la soif, de la faim, du chaud et du froid, et l'utile d'avoir commodément, le nécessaire. » Et c'est exactement ce qu'elle dit à son frère dans une lettre du 2 avril 1676 que je ne lirai pas. La simplicité de l'habillement n'est à vrai dire qu'une médiocrité, un juste milieu entre un luxe excessif ou une méthode ou une mode extravagante et un mal vêtir qui, s'il était voulu, pourrait passer pour avarice. La mode Le Veiller juge notamment qu'il est à propos de suivre cette médiocrité qui nous fait être propres et bien vêtus, sans pompe et sans mesquinerie. Les préceptes de morale chrétienne rencontrent ici les recommandations des philosophes libertins. Voilà pourquoi, comme s'empresse de le rappeler Languet de Gergy, même au plus haut de la faveur, je cite, « si elle donnait quelque chose à l'éclat du rang qu'elle y tenait, c'était toujours avec ménagement, avec modération. » Au besoin de simplicité, Madame de Maintenon joint une exigence de modestie. Alors qu'elle n'est encore que la veuve Scarron, Madame de Sévigné la juge modestement vécue. Quant à Mademoiselle d'Aumale, elle évoque plus tard les grandes coiffes qui l'enveloppent et dont on croyait qu'elle cachait des défauts de poitrine. Alors, je vous laisse lire la citation aussi. On remarquera que cette modestie de l'habillement passe à la fois par le refus de la couleur et le choix du monochrome, ainsi que par le refus du dévoilement corporel, alors que la mode à la cour est alors à la gorge et aux avant-mendus. C'est que modestie est autant synonyme de pudeur et de décence que de retenue et de mesure. Dernier critère, enfin, de son habillement, ce souci de la propreté, alors au sens du 17e, qui ne l'abandonnera jamais et dans lequel il faut voir moins le goût de ce qu'on appelait alors la netteté, s'incarnant dans la blancheur du linge, qu'une exigence de bienséance. Courtin précise que la propreté est une certaine convenance des habits à la personne, c'est-à-dire à notre taille, à notre âge et à notre condition, et que cette convenance s'étend même jusqu'à une certaine attention à la mode, à condition d'en retrancher le luxe et la fadaise et la réduire à la modestie. Ainsi s'explique que tout en affichant un mépris certain pour ce qu'elle regarde comme les extravagances de la mode, Madame de Maintenon se préoccupe malgré tout de l'usage du temps. Reconnaissant que sa nièce est à la source du bel air ou du moins de l'air de Paris, elle juge que c'est à elle, je cite, « à soumettre mon vieux goût au goût raisonnable qui règne présentement. L'indifférence totale au goût du jour est aussi condamnable que l'esclavage de la mode. Il s'agit là aussi d'éviter les excès. Elle convient, dans une autre lettre non datée, qu'il faut être propre et mise d'une manière convenable, mais sans tomber dans le ridicule de vouloir attraper la mode en tout ce qu'on peut. Cependant, ce qui paraît surtout compter à ses yeux, c'est la convenance des habits à la condition et à la fortune. En 1676, elle recommande, en 1778, elle recommande à son frère d'être habillé, je cite, « selon sa condition », tandis qu'un an plus tard, elle lui conseille de « se mettre sur un pied convenable à son revenu ». Quels qu'aient été ses propres goûts, elle-même a changé d'habit avec les changements de sa condition pour se vêtir d'étamine dans les premiers temps de son veuvage, comme de soie et d'or lorsqu'il fallait maintenir son rang à la cour. Selon Mademoiselle d'Aumale, elle était obligée d'être vêtue d'une manière convenable à la place qu'elle tenait. Ce respect de la convenance est toutefois battu en brèche dans l'hiver 1705, lorsqu'elle refuse les étoffes proposées par sa nièce pour leur préférer une étoffe beaucoup plus commune, la grisette. C'est, dit-elle, que la misère que je connais me rend avare. Mais c'est peut-être aussi pour éviter ce qui peut passer, déjà, par un luxe déplacé en temps de disette. Alors, ces dernières lettres reviennent sans cesse sur le besoin d'économiser au maximum. Je n'insiste pas. Toutefois, la grisette réclamée en 1705, Madame de Maintenon la veut très jolie, de couleur violet et blanc. Le goût du beau, de l'élégance, ne l'a pas abandonnée, pas encore du moins, ni le goût d'un certain confort. Un reste d'attachement au monde et à ses vanités l'a conduite en outre à commander quelques taffetas façonnés un peu fort pour une robe du jour, sous prétexte que, je cite, « je bouffe si peu par ma personne qu'il faut que je bouffe par mes habits ». C'est que le vêtement lui sert également à masquer les imperfections d'un corps vieillissant. La peur du ridicule aussi la tenaille et avec elle la honte de manquer aux normes requises dans l'espace du paraître où elle vit depuis tant d'années. Dans ses lettres à Madame de Caylus, on voit peindre la crainte d'un trop grand écart par rapport aux usages, comme celui d'une inconvenance liée à l'âge. Dès 1705, couleurs et broderies sont jugées déplacées. Et c'est la citation que vous avez sur l'écran. Si son âge l'oblige à porter dorénavant des teintes neutres et à ne plus parer son vieux corps, d'étoffe de grand prix, c'est elle qui dit vieux corps, hein, c'est pas moi, il ne l'oblige pas pour autant à faire le choix d'un démodé trop criant dont la cour se moquerait impitoyablement. Je voudrais en venir maintenant à cette construction du beau personnage dont elle revient dans ses écrits, parce qu'elle semble avoir été taraudée par le souci de son image. Et ce beau personnage, c'est autant par son apparence physique que par son comportement qu'elle s'était forcée de le construire. Mode de gestion du corps, le vêtement s'est avéré être un marqueur identitaire, indicatif à la fois d'une manière de vivre et d'une façon d'être. Habitus autant que vestitus, il a été pour la marquise une forme de communication non verbale visant à faire être le personnage projeté. Toute présentation de soi est-elle en fait un acte performatif ? Qui plus est, à une époque où le vêtement n'est pas senti comme une expression du moi, mais comme une apparence dictée par des normes sociales, Madame de Maintenon aurait cherché à l'aligner sur des goûts personnels, paraît-il, tempéré néanmoins par la conscience des devoirs de son état. À rebours de ses contemporains, aurait-elle tenté d'en faire l'expression d'une individualité en disjonction avec les extériorités de l'ajustement et de la parure, ou du moins de le faire croire. En fait, cette simplicité, à mon avis, est moins l'expression d'une individualité qu'une recherche d'individuation. Car cette simplicité, comme plus tard son souci grandissant d'économie et d'épargne, ont un caractère ostentatoire qui attire l'attention et bien évidemment les critiques. Tout en étant peut-être sincère, ce choix d'un vêtement qui tranche sur une pratique habituelle, gouvernée par le désir de paraître, assure du fait même de cet écart la visibilité et la lisibilité de sa mise. Loin d'être une tentative d'effacement de la personne, ce refus de la montre cacherait en réalité un désir de distinction. Madame Scarron aurait voulu se faire remarquer. Alors, je passe sur les exemples, mais la simplicité de sa mise en étant devenue veuve aurait été une manière de publier un certain mode de vie tout en étant aussi un mode de survie, une façon d'avoir l'approbation des honnêtes gens et de capter l'attention de la reine et en fait d'y capter une pension. Toutefois, la modestie de son habillement n'est jamais allée jusqu'à ce mépris de se bien vêtir, susceptible de passer pour mesquinerie, même affectation aux yeux de son entourage. Toutefois, certains hommes d'église ont vu dans cela de la vanité. Donc, Fénelon même y verra de l'amour de soi. Et donc, ça, ce n'est pas cette citation, on y arrive. Voilà, c'est dans la lettre de Fénelon à Madame de Maintenon. Madame de Maintenon s'était défendue d'avoir cette mauvaise gloire qu'elle qualifie elle-même, je cite, de vanité de ce que nous sommes ou de ce que nous croyons être, de notre naissance, de nos talents. Fénelon lui aurait fait remarquer qu'en fait, elle aurait été la victime d'une autre forme de gloire liée à l'amour du moi qui lui aurait fait poursuivre l'honneur et la belle réputation. Et c'est la citation que vous avez là. Donc, je conclue. La manière de s'habiller de Madame de Maintenon me semble avoir traduit un rêve à la fois d'identité et d'altérité. Comment être à la fois soi avec les contradictions afférentes à la coexistence de goûts opposés qui lui font porter des jupons en dentelle sous l'habit de tourière, et être autre, c'est-à-dire un moi régulé par le souci de la propreté et le désir de jouer un beau personnage qui la place inévitablement dans la dépendance d'autrui. Or, ce rêve d'identité duelle ne peut que conduire à un brouillage des signes identitaires véhiculés par le vêtement. Celui-ci finit par ne plus fonctionner ni comme expression d'une individualité, ni comme marqueur de distinction sociale. Si on regarde les mémoires des contemporains, Spanheim insiste, lui, sur le dédoublement traditionnel de la personne privée et de la personne publique, puisqu'il écrit « C'est ainsi par où Madame de Maintenon a tâché et tâche de faire également deux personnages assez différents, mais tous deux conformes à son état, à sa fortune et au besoin de s'y maintenir avec approbation même d'une cour d'ailleurs aussi galante. » Tandis que Primi Visconti, lui, hésite. Il est certain qu'aux habits, à l'ajustement et aux manières, on ne savait pas à qui l'on avait affaire. Je vous remercie.